Voilà. Excusez-moi. Bonjour, bonsoir. Oh. Bonjour, bonsoir, mes chers amis. Un peu de connexion, des tags avec les amis avant tout Banda. Et si vous avez une opportunité de taguer les autres amis, vous pouvez le faire. Bon, attendez que je mette ça dedans. Vous pouvez le faire. Et après quelques minutes, on va commencer. Donc, je vois beaucoup d'amis qui sont déjà là. Patrick Kassongo est là. Le Colongo Freddy est là. Et ça, c'est sur Facebook. Sur YouTube, on voit Leandrine Makabenga. Blandine Pala, oui, merci. PL Lemos, merci, bonjour. Et Astrid Sassa, merci, sur YouTube. Patrick Kassongo, looking good, thanks. Et notre ami Didier Katenga est là, merci. Dani Mundele. Naebi Keosa Mundele était, hein? Dani Mundele est là, merci. Fabienne Mbumba, comme toujours, merci. Chris Matt, merci beaucoup, merci en tout cas. Merci. Janine Bissoudi, Hippoc Kandolo, merci. Femme de messager, psaume 23. Ça dit quoi? Merci. Merci, Guy Florent, là-bas, sur YouTube. Merci beaucoup. Oui, on est là. Chris Matt, merci, on est là. Ellie Bilks, merci. Manika, chef Manika. Merci. Merci beaucoup. Donc, on attend un peu quelques secondes après. Je sais qu'il y a beaucoup de lives maintenant, mais nous attendons un tout petit peu. Ndeke Munene, merci beaucoup. Alberto. Koundé Gomez, merci. Yvette Mofila, comme toujours, Yvette, hein? Merci. Folo Aena, merci. Congolaise Zala Mayele. Ah, Congolaise Zala Mayele. Ah, Congolais, hein? C'est Congolais. Oui, merci. Congolaise Zala Mayele. Oui, il faut que vous ayez toujours Mayele. Il faut que vous ayez Mayele parce qu'il y a ce monde et Zamalamouti. Il faut toujours que vous ayez Mayele. Samuel Sabiti, merci. Tatu Mungombe, Tutuani, Malukani. sur YouTube, Patrick Mbonze, merci pour votre fidélité. Et je pense que il y a beaucoup d'amis sur YouTube. Bon, on peut commencer notre causerie d'aujourd'hui. Dieudonné Sawa Sawa. Merci. Nabeni Tozozela Mbuma. Mbuma Yamakala Konki. Ah, Nabeni. Tozozela Mbuma Kala Konki. Merci. C'est qui là? C'est Serge Bingoto. Bonsoir, notre éminent professeur. Dieu te bénisse abondamment. Merci beaucoup, mon frère. Et to you, à vous, pareillement. Bon, voilà. Me voici, me revoici. Ça semble comme si Nazaraki n'a moi pause, mais ce n'était pas une pause. Je travaille toujours. Des fois, on peut travailler en ligne, des fois off-ligne. On travaille toujours. Et l'élo, tu es juste à tout solo là sur ce qui se passe, comme toujours, dans Bokanabiso. Et avant qu'on kota na ba détail wana sur ce qui se passe chez nous, et toko lobela moke sur ce qui se passe ailleurs. Comme vous le savez, je suis passé par une vidéo dernièrement pour parler un peu de ma famille. Et na pesa ki moi li solo sur ce qui se passe concernant mon fils. Alors, comme Boyebi bien, mes frères, amis, mes chers frères et sœurs, comme Boyebi très bien que Mbokanabiso, le Congo, Batunabiso, le Congolais, Tozali, ba expert na ba confusion. Même si une information est allée claire, mais et pas une abisso na Congo, et kotaka toujours. Bah, mésentendu, écoute, a toujours incompréhension. Ça, c'est vrai que nous sommes un peuple où Azali expert dans bah, incompréhension. Tout yango très bien. Nakomeka un peu comme ça le résumé parce qu'il y a beaucoup de amis m'ont écrit inbox pour nous encourager Bissot. Famille Mubimba, pour na ko, ko souhaiter biso ba veya malamu. Oui, mais mon ami Monier Béatrice, Nayebi, que les milouvores sont capables, Ndengo Lobi, soyez prudents, très prudents, les milouvores sont capables d'utiliser même les Coréens pour te nuire. Oui, ça c'est fait, Ezali. Ezali, donc, Togosolo Layango. Je disais qu'avant Nakota, peut-être Namakambo, il y a Ndenge Oezole Kanakongo. Et Nalingi, juste, moi, couper ça, moi, parenthèse, moquée sur. La situation de mon fils. Donc, Nalingina a éclaircir le problème. Wana. Et ce qui botali Mwana Nabiso, vous allez voir que Azali, d'abord, un Mwana, alors, na âge naïe, na âge yabakoréen 20 ans, parce que Boyebi qui est coréen, na âge na bango, na âge, toloba âge normal. Ba coréen, ba zala âge mokote na biso. C'est-à-dire que coréen, ce qui yo mutumususu, il y a européen, africain, ou bien mutumususu, il y a monde. Ce qui ozali na 19 ans. Na ba coréen, ozan na 19 ans, te, ozan na 20 ans. Donc, bango, ba bakisakambula moko. C'est-à-dire que pour des Coréens, si vous avez donc votre âge plus un an, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les Coréens, pour eux, une femme enceinte, la grossesse prend 9 mois. Il y a de ces 10 mois ou voire même 11 mois. Mais en tout cas, le standard, c'est 9 mois de grossesse. Alors, pour les Coréens, à partir du premier mois de la grossesse, les Coréens comptent une année. Donc, quand l'enfant naît à la maternité, le premier jour que l'enfant naît, Pour les Coréens, cet enfant a une année. Je pense que vous comprenez. Pour les Coréens, mwana wana azali na mbula moko. Jour à botami. Alors, mukoloya okokisa anniversaire na ye chez nous, les gens fêtent anniversaire ya bana, une année d'anniversaire bak mingi ba feta kayango. Pour les Coréens, ce n'est pas une année d'anniversaire, c'est 2 ans d'anniversaire. Alors, logique ezali nini, mes chers amis, yango nazolo ba très bien que il y a des ramifications à l'histoire de mon fils et Boroyoka suite Nengezokende et bandit déjà. Il y a des ramifications avec Kinshasa. Kinshasa, je n'accuse pas personnellement Félix, mais j'accuse les conseillers de Félix parce que et bandit déjà Kobima. Je vais en parler maintenant qu'il n'y a pas détaillé parce que le problème est Zali Sikoyo. Non, de lundi Oyo, plainte est allée déposer et la télévision Oyo est diffusée information Wana. Babandi déjà qu'il y a pour un arrangement à l'amiable que j'ai catégoriquement rejeté. Il n'y a pas d'arrangement à l'amiable. Toko kende ti na souka. Et bandeko, ba koreyen, ba yebingayi malam, na point wana. Ba yebingayi malam, na point wana. Il n'y a pas d'arrangement à l'amiable. C'est-à-dire quoi? Pouvez-vous comprendre? Information, la télévision a donné. Balobi, notre fils na âge wana. Il y a 19 ans. Yemoko. Azali ko conduire voiture a bloqué boulevard. Azo beta batu. Azo violé basi. Et basi azo violé ba étudiante. Yé na âge wana Azali. Moi na ya école secondaire, mais azo violé na voiture na ye, ba étudiante, c'est-à-dire ba étudiante au Bazali déjà na 24 ans, 25 ans. Moi na ya 19 ans, moupaya, un noir, na katia voiture na ye. Azali ko bloqué boulevard, azali ko beta batu na boulevard, azali ko boto la batu bambongo, et Azali ko violé ba étudiante. C'est comme ça l'information a été donnée. Et voilà maintenant, ba télévision est belée et tournée contre télévision Wana. Pour nakotuna bango, expliquez-nous, parce que Mboka ya Corée, Ezali lokola États-Unis, kote na loba. Mboka Corée, Ezali lokola Canada te, Ezali lokola Australie te. Eza lokola peut-être États-Unis te ke mboka eza monene. Moto akoke na nzela moko ya monene place ba village ba ndako eza te a bare nzela a beti batu sans que police amona ye. Au Canada ça ne se fait jamais. Aux États-Unis au ba mboka Canada États-Unis Australie ba mboka eza minene ça ne se fait jamais. Et mboka Corée eza lokola un pays ville. Na Corée okokende jamais. Jamais alors na Corée, jamais au Kende 1 000 mètres sans que au moins na ndako mususu, sans que au moins na ville, sans que au moins na village, jamais exalté. Mais comment expliquer cet enfant, Mupaya, Mutumwindu, Mukolopete ya 30 ans, ya 25 ans, moi na ya 19 ans, azwa voiture na ye, akende nango na boulevard. À barrer boulevard, c'est-à-dire quand on dit barrer boulevard, ça signifie au kangin zela batuba lekate. À kangi boulevard, azo beta batu na boulevard, azo violé basi na katia camion na ye et azali ko boto la batu bambongo. Alors, la télévision est koti moto. Na katia télévision séparés, on demande à cette journaliste qui a donné cette information. Parce que l'information, journaliste y a annoncé, mais il y a une personne qui a commenté cette information. Bazali Kotuna, Nani a pesi information Oyo. L'histoire de la police avec notre fils, Ezali vrai. La police avait intervenu, mais mon fils Azalaki groupe de 8 enfants, coréens, plus yé. Parce que maintenant, ils sont séparés. C'est ce que vous voyez même dans l'Europe, même dans les pays occidentaux, dans la place de Vandi, même dans les joueurs, dans les Betakabal. Au commande, par exemple, un Lukaku. Nathan Wazali qui a marqué B, c'est la France ou bien la Belgique, je ne sais pas, Azali Wapi. Ba drogue bawana natango azali ko beta bi azali ko marquer bi, c'est la France qui gagne. Voilà la France qui avance. Ce qui drogue ba sali une erreur, ce n'est pas la France. Voilà ces Français d'origine ivoirienne. Voilà, hein? Ba koloba, voilà ces types d'origine congolaise, voilà ces types d'origine tel pays. Mais quand vous faites de bonnes choses, on vous présente comme citoyen de ce pays. Quand notre fils passe à la télévision, quand mes fils passent à la télévision, souvent c'est la fierté coréenne. Moi-même, quand je vais à l'ONU parler pour les réfugiés du monde, c'est l'honneur de la Corée. Ah, voilà, M. Yombi est un résident coréen. C'est la fierté. Mais quand il y a une erreur, d'office va séparer yo au komi mopaya. Alors, cette histoire ici, c'est une histoire d'un groupe 8 enfants coréens, bangonyon sobana, à l'époque y'a ba fait, adolescents, 8, plus moi nan abiso et sali 9. Na lobaki yango na vidéo que bana na biso bazali na camarade moko ya mopaya te. Ma camarade na bango nyonso bazali ba coréen, il raisonne coréen, il parle coréen, bazana na culture coréenne. Même na katia ndaku biso moko, na katia ndaku, tozali ba culture mibale. Ngai moko nazala culture congolaise, mais bana na ngai bazali na culture coréenne. Il y a des fois moko yiko zala na moi discussion moke. Okoyo ka bako yebiso phrase moko me pona nini bino ba africain bo rezo na kaboy. Ah. Mais yo za africain te za nani. Donc c'est toujours comme ça. Alors la télévision ba présenter situation ba longoli bana mususu 8 wana. Ba présenter situation comme si notre fils azala ki ye moko. C'est ça maintenant le problème na mboka Corée. La télévision a présenté situation comme si notre fils Azalaki Yemoko a opéré Yemoko. Et le premier jour, Batouba commenté, Natango Siko, une autre télévision, et Yeko recadré télévision Wana, pour n'a copé la vraie version. Il y a situation, Batouba tourné, mais pourquoi vous avez menti tout un peuple? Pourquoi Bolobi situation, te que bana oyo mwana oyo azaye mokote bazalaki 9 toloba donc 8 coréens d'origine de souche plus yé. Moi je ne suis pas là même bakaboli ba mupaya c'est pas un problème, le problème ezali ndenge ba présenter qui le cas. Alors qu'est-ce qui s'est passé ezala ba information mususu na ko pesa nyonso te sur demande de nos avocats. Nako signale bino que tozui presque 32 avocats volontaires bango moko baye balobi biso to komema problème wana na tribunal. Entre parenthèses, entre biso ba congolais bozomo na R mususu ndenge balobaka batumusu balobaka chance et loko pamba moto peut-être avandaki na ye na nzala na ye avandaki na ye na pauvreté na ye voilà ndenge baya ko komisa moto mvwama. Et batu ya télévision na kintweki. Na ye journaliste mutayaki ko pesa information. Ye assez de douanier lobi, non, ngana za présentatrice, on m'a donné le papier, natanga, natangi papier. Nga mutu na yaki d'information anate. Et les sauve. Mais mutoya qui une information à la télévision, tout le monde a déjà na boutou boutou une proposition, il y a arrangement à l'amiable que j'ai rejeté. J'ai dit à mes enfants mutu mon côté ayamba téléphone ayamba mutu. J'ai dit à leur maman mutu mon côté ameka ko yamba mutu moko sans que moi je le sache. Ma proposition de Jésali, toi arrangé à l'amiable, vous voulez combien? Ngai, naza pauvre, j'aimerais mieux vivre avec ma pauvreté que na kende ko salir réputation ya mwana na ngai pour na zwa mbongo. Na kende ko salir réputation ya mwana na ngai pour na zwa mbongo. Je l'ai redit, na ko ndima arrangement à l'amiable na bino. Mukolo na kokufa bolandinga na tombo bolamusingai peut-être là na oké na monde mususu e wana na kondima mais na moma oyo jamais tokende ti na suka tokende ti na suka et to moni déjà parce que ezali télévision privée mukolo télévision yé mon côté directeur ya relations internationales ya mukolo télévision ba courriel ezoya moyen to solo makam nazana ngona courriel te to meka ko solo la fungula téléphone to solo la non et non to kende ti na suka alors bande ko ebele ba yebaki te que cette histoire en réalité ngai moko na benga ki mbila po na mwana na biso. Pourquoi? Parce que moi na asalaki bon toloba asalaki eloko mabete à l'époque na benga kimbila mais pardon ba étudiant na ngai ba camarade ezala ba camarade ya bana mususu bazalai ko signaler biso à tout moment que tozomona mwana na groupe ya malamu te boyebi éducation ya bana ba coréen ndenge ezala ezala ko la bisoté en Afrique ou bien en Europe ou bien en Amérique. Nalo bakango souvent parents nyo so biso ba africain so ki olingi ko bokola mwa famille na yo bana na yo en tout cas il faut ko bokola bango na Corée. Les enfants coréens ont une bonne éducation, c'est-à-dire que na komona apparence ya komona en tout cas c'est très bien. Ba parents ba coréens en tout cas ils mettent beaucoup d'efforts pour na éducation ya bana bango. Par contre, ceux qui ont moni auto mona kana babalabala ya New York, na Paris, na Sydney, na bamboke belé, c'est totalement différent avec ce qui se passe na Corée. Mais to lobaka ba règle nyonso ba exception ezanga kati. Na Corée déjà ceux qui ba moni bana ya 19 ans, bazo mela makaya, déjà baza bana mabé. Il faut ba signaler ba parents na bango. Voilà comment les étudiants bato ba yebi biso babandai ko signaler biso ke non tozo mona mwana na bino na groupe ya mabe ya komela makaya soki basilisi class ye na groupe na ye komela makaya. J'ai invité mon fils à maintes reprises ko tuna ye azoboya finalement aye ko ndima ke oui makaya amelaka aye ko senga ngai papa edengai na melaka oui mais siko nazoko ka kotika te nazoko ka kotika te aide ngai na tika ndenge nini na kei ko kutana na docteur a proposé ngai makaya o epesaka degu ya makaya na sombelier ba facture nyonso ezali on a déposé ça ba avocat ba ko déposer ngo na tribunal et par la suite na ebisi ezonga ndako mais na groupe na ye na ba camarade na ye ba luaka bandako na bango ba vandaka. Na tango na moni mwana azozonga te, azolinga kozonga te, azoloba toujours na kozonga mais azozonga te. Na bengi police. Tozolinga mwana zonga ndako, groupe azana ngo eza groupe ya biente ndenge tozoyoka. Bango nyonso bazali bana ya moins ya 19 ans, bazaba majeur te à l'époque. Mwana azolinga kozonga te. Boyebi ka biso ba africain er moko pe mwa ha ki para boyebi mwa fimbu pe feza la ah mwa dembata azwaki mais na koiko kenda kandengo na te kozala kamem na koiko kozala brutal te pa ya mwana na bengi police akende ko zwilangai ye azongisa ye na ndako. Je lui ai proposé même et sika tozali na appartement ezali bandako mususu ya vide ezali ce que oni ko vanda à part parce que tu te sens déjà ozomona na 19 ans mais ozomona yomo ko mukolo mandefu comme ebele na ko zwila yo ndako mais ozala na kati appartement awa ou bien appartement ya quelques mètres na biso na ko zwila yo ndako. Et azanga ki pe mbongo kozwa ndako te ye moko. Futela ndako me yako vanda pembeni ya famille. Tobengi police. Police asali musala, soki asala ki malamu, soki asala ki malamu te. Mais sikoyo, ba flèche ezo tourne pe na ngambo ya police. Famille oyo ba bengi bino. Na tango ba benga ka bino, soki bo intervena ka bien. Mbele bensida mususu edira engayi kobimate. Police pe, azo leka lendi, apes explication na ye. Moi-même, je vais passer à la télévision nationale le lendi, yato zo banda semeno yo lendi, la télévision nationale m'a donné rendez-vous, que je passe. Et ma télévision mususu, bazo yebisanga bo prof, Yoza moninga d'abisso la télévision, vous passez toujours à la télévision, comprendre kaka, arranger l'amiable, mais j'ai dit niette, parce que notre fils, Azalina Nmwana Muke, que cette réputation soit restaurée. Façon va présenter les cas, ce n'est pas le cas. Mais le problème, c'est quoi maintenant? Toujours que malé, mais nakota siko na makambuya Congo. Le problème, c'est quoi, mes chers amis? Le problème, c'est que bande konabiso, ba Congolais. Ba Congolais oyo ba vandi na mboka Corée. Na zui ba pele bele. Na zui ba message bele. Maintenant, c'est un problème qui se pose. Ba lobi, bon, le kamba mwana na ye, bo eza problème ki. Ah, mais ye moko pe, ye moko. Professeur ango aza ya ndengenini. Ba tu ba vandi na mboka Corée. Hein? Je vous dis qu'il y a des gens oyo ba vandi na mboka Corée, mais ba yebi koreyente. Je connais beaucoup, mais limité quand on a des Congolais. Na yebi y a des Congolais basala mbula 30 na Corée. Na yebi bango na kope sa bakombo na bangote. Et si ka bazo landangai, bana na bango bazo yoka, bazo comprendre, je parle de qui. Y a beaucoup de parents na Corée. Basala ba 30 ans na Corée, mais yebi coréenne. Oko mona ye tango azo landa information, azo luka ko landa information na anglais. Soka yebi anglais pe. Information à français ratée. Parce que les Français, quand vous prenez l'avion au Kenya Corée, dès qu'on mate à l'aéroport Yanjili ou bien à l'aéroport Lubumbashi ou bien à Wapi, les Français vous l'enterrez là. Au Kenya Kovanda na mboka Corée pendant 10 ans, nanzela boyoyo ka moto ayo loba français te. Ceux qui nandaku na yo loba français te, ceux qui okutani na ba congolais te, ou bien okutani ba ivoirien ba camerounais te, okotika la koloba français jamais. Alors, il y a beaucoup de nos frères, baïbi coréen. Les amis posent des questions, mais ndeko oyo, yepe ki professeur yango, yandengeni naza professeur ti. Et si kato tang sa université, chaque moutou nyonso o atangi saka, liboso ya biro na ye bakomaka, il est quel type de d'enseignant? Na porte na yo bakomaka. Toko tche la bango ba video, toko tche la bango ba écrit o ezayi na porte ba komi, les deux universités, na porte ezali ko koma, Yombi Kyusunim. Yombi c'est mon nom, Kyusunim na coréen ça veut dire professeur. Alors, ceux qui ont allé professeur assistant, na porte na yo bakomaka, bakomi kombo na yo, bakomi cho kyusunim. Ceux qui ont mani bakomi cho kyusunim, ça veut dire professeur assistant. Balakisi d'information l'université. Ba la kisi d'information porte ya biro na biso. Tout le monde lit, tout le monde comprend qu'est-ce qui est écrit, sauf Congolais. Donc, Des fois, je me demande, Dieu, pourquoi au Tinda, ngai na botama na mboka ya boye? Tout le monde lit, au vandi na mboka kore pendant 30 ans. Ba information ezali. D'abord, l'information, ya mwana na biso. Ce qui est tambouli partout na kore, parce que c'est une famille repitée. Bandekwe belé oyo bazali ko tcha makrele na kore, ba Congolais. Ce qui est information des alakaya bango, coréen peut-être même 10 balinga ba chango kate. Mais ce qui est tamboli coréen mobimba, parce que c'est une famille renommée. Et tamboli même la présidence de la République ya Corée est commis. Un conseiller ya président ya Corée a réagi parce que akutana na mwana na biso. Oh my God, nazali nango quelque part. Akutana na mwana na biso ba photo ezali. Alobi non. Nakutana na mwana wana. Parce que ce conseiller ya président, mwana na biso akutana na président ba photo ezali ba news yaki. Avant ba kutana conseiller wana akutana ki na ye d'abord, ezala ki mwana na biso ye mokote, akutana ki na bana oyo ba utana ba famille ya ba immigré. Le plus renommé na Corée. Bazala ki 5. Na kati ya 5 mwana na biso et na kati ya bana wana le reste 4 bazalaki bana oyo ba paya ba botana ba coréen et bana wana ba komi renommé loko la mwana na biso moko kombo na ye Anne mama na ye azali coréenne papa na ye azali nigérien bande ko bavai na Europe ba yebi mwana wana amepesa mingi na fashion na style ba bani un styliste Aliniko lata, donc ye akei na sans wana. Sauf notre enfant, oyo azali ishi, na ba parent, bango mi bale ba paya. Président akutana na bango. Le conseiller du président est sorti, a lobby maintenant, na yebi mwana wana. La façon la télévision a présenté le fait, ce n'est pas vrai. Parce que moi, na wana zali Samsung ou bien zali nani. Parce que Samsung, ma kasi eleka ki akoyi ko bare, akoyi ko beta bato. Mais moi, na oyo 19 ans, a bare nzela, a beta kabato. Les Congolais, maintenant, problème ya moi, na y comprennent. Oui, on comprend. Mais papa, ye atanga wapi. A koma professeur ndengeni. Ba msouba lobi, non, azali professeur te. Azali assistant. Oh. Mais l'assistant aussi est professeur. Daibite bandeko yo bazandenge nini ba Congolais bazandenge nini en Europe en Amérique partout pour être assistant d'une université beaucoup d'universités demandent un doctorat il faut un doctorat pour être assistant d'université Nazaina ba collègue awa professeur na Nicolas Sabakombo na bangote nazana ba carte na bango de professeur en Amérique azali docteur mais fonctionne aina université azali professeur assistant. Ezali na kategori ya ba professeur visiteur. Loko la stati na ngayi moko na Kore na Université Nationale moko. Soki okeyi na site ya université wana, ba bengi yango Chonam University. Oko mona na kati ya site ba komi fonction na ngayi professeur visiteur. Pourquoi professeur visiteur? Na mibeko ya Kore, mutu moko okoyi kotangisa ba université mibale te na fonction na titre moko. Ozali professeur full na université oyo, ozali pe professeur full na université oyo. Te. Alors, l'université nationale m'a proposé na longwa université privée sika nazali, na ya epa na bango. Na boyaki parce que nazali na ba bonne relation avec cette université. Alors, l'université nationale a négocié avec l'université privée pour que ba trouver un moyen parce que ba lingi na ke nekotangisa kuna. Pourquoi? Parce que j'ai été le cofondateur ya département ya ONG. Doctorat na master ya ONG. Ça se trouve na site ezali na anglais, site ezali na coréen, tout le monde voit sauf congolais. Tout le monde peut lire, sauf Congolais. to négocier université na babi. Bon, vous restez là-bas comme professeur full et na université na biso to ko joyo contrat na yo ezali lokola professeur professeur visiteur. To yebite nazala ki un peu pressé, il y a beaucoup de choses. Ben interview est belé. On n'a pas eu le temps il y a ko ba document sous toloba qui to ko arranger en gros pour que les gens comprennent de quoi il s'agit. Les gens comprennent de quoi il s'agit. Voilà. Ça c'est le certificat il y a emploi. Oh my god. Bande kona biso ya YouTube akomona bien té parce que ezali et ça peut ça reflet. Bon, na ko tcha yango na ligne mais ça c'est le contrat. Bozomona caché. Oh gosh, bande ko ya YouTube mawa. Bozomona caché il y a université. Ba caché ba coréen ezala kalokola ba caché na bisoté. Voilà. Caché université yango na ba coréen ba kotanga bien bino ba kotanga té. C'est le contrat avec mon université et c'est écrit. Très bien, contrat na ko poéza na coréen na komeka ko voilà ezali contrat d'engagement monsieur Tonayombi est engagé dans notre université département de droit et art et en français c'est quoi de droit et liberal art monsieur Yombi est détient un PhD, un doctorat en sciences politiques et relations internationales. Il est engagé professeur d'université signé, président de l'université, Yemoko Pazali docteur, et ça c'est le... Ah voilà, la date est là. Auguste, mois d'août, le 27 août 2020. Le 27 août 2020. Ça, c'est la première université. Na kotie la bino yango na Facebook. Comme ça, tout le monde peut voir, tout le monde peut lire. Oyo ezali une copie parce que nazana bureau une copie ya doctorat na biso voilà la copie ya doctorat ezali awa bande ko bazo mona biete o bazali na YouTube tokotsa yango na page na biso ya Facebook voilà l'autre université voilà elle est là. Balobi bien, oh, ezali en anglais, the certificate of employment. Voilà. Nala kisa yangoyo, certificate of employment. Voilà, l'université nationale. Et ezali bien écrit, naba next nango, il est engagé sur base de son doctorat en sciences politiques, option relations internationales, et son expérience. Voilà, et son expérience en forced migration and refugees avec le système des Nations Unies. Signé Unil Kim, docteur Yemoko, Dean of Academic Affairs. Tout le monde peut voir ça, sauf Congolais. Et mes chers amis, c'est très important tout cela parce que bazali qui touché na affaire oyo. Na kati ya bande kona biso oyo bazali ko sala makama parce que vous savez quoi? Batu bayebinga ya partie ba vidéo oyo. Bande ko bavandi na Europe, bovandi partout boyebinga te. Physiquement boyebinga te. Mais bande ko bayebinga bien bazali bande ko bavandi na Corée. Mais bandeko bavai na Corée ce qui bazali ko nier ce qui est vrai. C'est dangereux parce que bande konezo wavani libanda bazo tu na batu wavani na Korea bino watu vandi kuna mutu wana eske ya solo azali professeur mutu wana eske ya solo makambalo baka eske alors bango batu bavandi na mboka Korea soki bazali koloba lukuta parce que ndeko na bango azali président il faut koloba lukuta pona batu nyoso oyo bazali ko supporter Félix T pona konuire bango boko kokate parce que monsieur Yombi c'est un dragon rouge. Bovandi na mboka Corée boyebi bien lit ya monsieur Yombi seul na kati ya association T na kati ya ONG T monsieur Yombi seul contre tout un pays ba yebi yango très bien mboka Corée ba pesa monsieur Yombi 15 jours abima parce que monsieur Yombi azo déranger azo loba trop et suka wapi lelo e koma coopération. Ba monique no bazo kokate a coopérons maintenant. Mes chers amis, na lobaka batunyo so bavani na Corée bazu mukanda na nzela na ngaiti. Mais na lobaka majorité ba congolais bavani na Corée bazu mukanda na nzela. Je vais vous dire une chose parce que j'ai parlé avec ses frères mais en tout cas je vais parler de ça. Na kati ya bandeko o bazali ko nié biso. Il y a un jeune frère o ayaki na mboka Corée. Lokola étudiant, ayaki te lokola réfugié. Je reconnais encore en 2013, bana baleki na biso oyo nyoso basangani o bayaki sika babengi singai. Po bayebisanga professeur yaka to sali rassemblement ya ba étudiant ya Congo, yo zali professeur to ye na mboko sika. Yaka olobela biso ndenge nini tokoki ko vivre en tant que étudiant na mboka oyo ya Corée. Na yebaki makambo ya te ba bengi singai. Na kenda na kekuta ba étudiant congolais belé na kati ya salle. Na kuti pe batu mususu baza ba étudiant. Ba pe singai parole na loba. Ba pe na introduction bango moko, lelo tokoza na professeur Yombi. Papa na biso, yaya na biso, o azana mboka oyo, azana kombo ya malamu, ye ayebisa biso, qu'est-ce qu'il a fait pour akoma boye? Parce que abandaki na Beijing. Na zwaki presque 2 heures kosolorana baleki na biso oyo. Bandeko na biso balandanga mingi boyebi un jour, na lobela ki likambo ba étudiant congolais oyo ba er na silisi koloba, ba ye pemi ba lobi, me makambuto yoki po na yona oto moni ozo loba, c'est différent. Na kati ya ba étudiant oyo moko na bango azali parmi bato bazali ko nié ke nazali professeur. Pourquoi? Parce que ses frères en réalité atanga ki malamu. Bon, na wuti nde kozwa ba note na ye na université na ye. Na moni quel type d'étudiant qu'il était. Na zwi ba note na ye banda ki. Et n'a qu'expliqué si ma pourquoi n'a joui. Ndeko oyo azali kokuta na parsi par là na ba Congolais mususu kolobake. Parce que lui a fini, a joui doctorat. Azalaki assistant. Assistant et chef de travaux na université de Lubumbashi. Avant Aya Corée, azalaki chef de travaux na université de Lubumbashi. Et ses amis de Lubumbashi m'ont contacté hier. Yango na kele landana zwa ba note na ye université, ba professeur na ye, ba collègue na nga bazali. Ses frères à l'obi, non, il n'est pas professeur. Monsieur Yombi ba bengi sa ayena ba université en tant que spécialiste, aza professeur te. Aza professeur te, na ye beli Yombi na professeur te. Na tango ba bengi nga ba yif sangali kambo oyo. Ya de ses frères bogo loba ke no ba kambo eza tina to loba, ma eza na tina, parce que ça détruit ma famille. Ezali en danger. Ngai moko. Ndeko moko abengi ngai a enregistré ndeko oyo. Ah. Papa Yombi, yoka ndeko oyo makamba zoloba. C'est un petit garçon qui vient d'arriver na Corée, azui doctorat na ye kaka sikoyo, azape professeur te, azui juste doctorat. Parce que avoir un doctorat et devenir professeur, c'est deux choses différentes. Ezali batebele ozali na doctorat mais okoyiko koma professeur te. Natango ndeko oyo apesi nga kombo ya leki na biso oyo. Oh, natala na Facebook, me tosololaka na ye mingi. Na landeli ba message nde tosolola na ye, na eko remarke, ah, c'est un petit qui m'a contacté, azalaki na problème ya immigration, ba botola ye visa. D'études, ba botola ye visa, azonga Congo. Ba message na ye nyon se zali. Il commence par grand professeur. Bonjour. J'ai une situation difficile qui demande votre intervention. Na ye bisi ndeko na biso leki na biso oyo. Pesa ngai d'abord kombo université na yo. Pesa ngai kombo département na yo. Numéro à téléphone na koyiko luka. Je vais contacter l'immigration, je vais contacter Batou. Oyo Batou. On a parlé avec lui. Ba message Zali est belé plus de 30. À tout moment, quand il m'écrit, il commence par professeur. Professeur. Mais aujourd'hui, c'est lui qui dénie que Nazali professeur. Et il est en Corée parce que Bandeko, oh, bah, na Lubumbashi, Sika Outi, qui me connaissent, bah, contacté Yepé. Yo muto vai na mboka na yebisa biso muto oyo azandenge nini. Mabi non. Ingratitude ya ba Congolais oyo eza malamu. Je l'ai appelé. Mabi tout le monde peut dire n'importe quoi, pas toi. Non, papa Yombi, c'est un problème de communication, ils m'ont pas compris. Ngai na lobaki, na zo lobake, oui. Monsieur Yombi aza professeur, mais azui doctorat na ye na Corée. Mais moi, je n'ai jamais dit que j'ai eu mon doctorat na Corée. J'ai dit j'avais eu mon doctorat en Amérique. Nazo master na Corée, l'université est connue de tout le monde. Alors, je lui ai dit ingratitude des amis à la moutée, mais en tout cas, tozaï loko la nyoka, faites attention. Hein? Parce que si vous croyez que Monsieur Yombi aza okwe, yabo yebi Monsieur Yombi te. Monsieur Yombi, c'est un dragon rouge. Monsieur Yombi, c'est un dragon rouge. C'est ça, donc, bomoni, ba catégorie, ba ingratitude, à biso ba Congolais. Yango nazo poser toujours ma question, faut-il aider ba Congolais bien qu'aider Bangote? Faut-il qu'aider ba Congolais bien qu'aider Bangote? Je lui ai dit, Ozali Yemoko, mon grand frère, Ozali grand frère. Et par la suite, na conclusion à lobby, bon, grand frère, na yoki ndenge au lobby, mais ils ont les problèmes de communication, bah, tu vas comprendre, ndenga mabe, na zali pe na moi, momoko ya koloba, soki na koyiko loba, vas-y. Grand frère, bon, omoni, na yebi makamba politique, leki pa koyiko pesa mokolo conseil, mais na ba live na yo dosé pour na ba inji. Na tuni leki na biso oyo, bon, merci, na yoki pour na conseil na yo. Mais est-ce que koyiko pesa ngai kombo ya injir moko oyo na fingaka? Alobi na ngai, oui, professeur Omoni, ofingaka batu ba idiot. Na yebisi ya bon, est-ce que ozali, c'est enregistré, hein? Na koyiko chango na net. Na yebisi ya bon, ozali na dictionnaire ici kozali? Oui, na zanango. Fungula dictionnaire, tala idiot elingelo bani. Atali. Ah, oui, bon, Omoni, est-ce que koyiko changer vocable musute? Et comme injure, et ça injure tes alli qualification, est-ce que vous pouvez changer vocable moussoussouté? Alors, pourquoi qu'on change vocable? Oh non, injure moussoussou, et alli milouvor. Ah, n'a tout nié. Ce qui yo, yébi singa fumbavor, et alli injure te, et ça injure te. Ça veut dire quoi? Ça veut dire moutalia ka fumbo. Ok. Mais pourquoi ce qui n'a l'obi milouvor, et ça injure? Pourquoi ce qui n'a l'obim milovor est allé ingir? Donc, ça veut dire que tu as la politique. Hein? Moi, quand je dis Félix est idiot, nazali ko loba yango et nazali ko confirme yango li soussou, ti na ko koufa, Félix azali idiot. Ozo yango na cadre ingir. Ozo yango na cadre ya qualification, c'est ton problème. Mon problème est ali que oui, c'est vrai, c'est vérifiable, Félix est un idiot. Vous savez, les gens croient que biloko oyo ekoki ko faire taire biso ngai eza difficile de faire taire nga oko faire taire ngai avec des arguments o convaincre ngai o persuader ngai na ba argument na yo o convaincre ngai je peux changer d'avis nazali mutu mais dès lors que bargument e convaincre ngai zati je continue chemin ngai moi quand je dis que Félix Aza idiot dictionnaire le bien idiot ezali mutu o azali dépourvu d'intelligence o azali ko sala makambo o eza na sens ya malamu te ye wana ba bengi idiot alors bon ta la makambo ndenge Félix Aza sala est-ce que ezali makambo ya mutu azali na intelligence ko kende ko signer ba deal na ba paya na biso ko lave ba paya na biso ke ba paya wana bango te bato ba bomi ba ndeko na biso na Congo plus de 12 millions de morts yo oyamba la moko olali olamuki liboso ozalaki ba Rwanda bazali ko boma ba paya bazali ko boma ozo condamné na tweet na ba tweet na yo ozo condamné bango dès que ba commission président oyé siko yé ko lave ke les Rwandais n'ont pas tué les Rwandais ne tuent pas les Ougandais ne tuent pas. Est-ce que cette personne est intelligente? Non. Yo, tozo condamné Kabila. Kabila bomi mboka na 18 ans. Ngai biso soki toyé tozu pouvoir et kozala changement. Satan pa ala lagate ayebisi Kabila pesa ye pouvoir. Ba pesi yo pouvoir. Makambo o tozali ko condamné Kabila. Ba assassinant. Est-ce que sili et silité? Ba arrestation. Est-ce que sili et silité? Corruption. Est-ce que sili et silité? Ba attaque ya bato bazo critiqué yo est-ce que sili est silité alors ezali makambo ezali na sens ya malamu ou bien na sens ya mabe ezali makambo ezali na sens ya mabe est-ce que ndeko o azali idiot ou bien azali idioté azali idiot moya idiot nga mutu na bimisi yango te c'est français potozo bon idiot nazo bana français so ke ina dictionnaire français idiot e banda avant nga na botama idiot e banda avant Félix Abotama, idiot et banda avant Congo, batuba ye bango qui a un pays qui s'appelle Congo. Et batuba bimisi qualificatif wana ya idiot, ba lobby ndenge nino ko utiliser idiot. Soke moni mutu aza mayele mingi te, azo sala makambo ya mayele te, azo sala makambo ezala sens ya malamu te, mutu wana okobenga ye idiot. Ezali ko finga te. Mais voilà, on qualifie par exemple une personne quand on dit intelligent. Ezali pe qualificatif. Ce qui balobi intelligent, eza ko finga te. Mais ce qui balobi idiot, eza ko finga. Est-ce que vous comprenez nuance wana? Bozo comprenez nuance wana? Ce qui naloba te Félix aza intelligent, boko yako landanga ite pour ko qualifier Félix Ndenga wana. Mais na qualifier Félix Ndenga azali. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, je vous dis ce qui bolandi makambo na mboka na biso ndenge ezali kokende ndeko na biso Félix azali idiot. Ce qui na lobi par exemple na famille ya Félix. Nga na yaka po na famille ya Félix te. Na tanga ka bakombo ya famille ya Félix te. Na tanga ka batu oyo ya famille ya Félix o bazali impliqué na vie na ngai ya pays na ngai. Na tanga ka bakombo na bango. Na yebi bana ya Tshisekedi wa Mulumba bakombo na bango te. Même bilongi boye na yebi bango te na yeko mona moko na mona ki est juste elle ba komisi Félix président o atambola ki na voiture ya chère wana na yebi te komba voiture wana na yeko mona elongia ya ndeko wana je me suis dit oh ye penza elongia tu ne sekere wa Mulumba mais le reste excusez-moi le reste des enfants de tu ne sekere wa Mulumba na la yebi bango te na za na besoin na bango te na za na besoin pe na yeba bango te. Mais moi, je m'intéresse à ces enfants qui sont impliqués dans la vie politique, dans la vie sociale, y a mboka na biso. Il faut faire l'alliance. J'ai parlé de Tshisekedi Tshisekedi parce que Azali, homme politique, y a mboka na biso. Je dois parler de lui. Azali, c'est un homme privé. Mais au Itali, bana ya Tshisekedi ya Mulumba. Nga na zana problème na bangote, baza bandeko na ngai, ce sont mes frères. Ce sont mes frères, mes sœurs. Le lo soki na kuta ina bango nga na ko proposer bango na ko proposer bango café na ko proposer bango soki bazana problème na ko iku aider na ko proposer bango na zana problème mokote na bana ya Tshisekedi wa Mulumba na zana problème mokote na bana ya Félix ce sont mes enfants bana ya Félix bazali bana na ngai. Nazi na problème na bango te. Mais dès lors, ce qui mwana ya Félix moko akoti na politique ya mboka na biso, akoti na administration, na gestion ya mboka na biso, ah, à ce moment-là, je vais m'occuper de lui. Mais ngai naza homme politique te. Na zwana na fonction moko politique na Congo na biso te. Na sala na administration moko na Congo na biso te. Musala na zo sala ezwa na lien moko na Congo te. Vous allez attaquer ma famille, pourquoi? Je vous dis procès au Yoboko Yoka. J'ai demandé à une télévision, c'est une télévision, j'ai demandé à un directeur de programme de m'aider. Lundi, R. Bazo qui a déposé plainte. R. Makambo Eko Banda. Ba edengai pour que l'information est relayée dans la télévision na Bango pour que les Congolais comprennent Bazo Lobani de quoi il s'agit. Je vous dis, il y a des ramifications entre les conseillers de Félix et cette télévision qui a propagé cette information concernant notre enfant, Ezali. Mais les avocats m'ont demandé de ne pas aller dans les détails pour qu'il y ait un problème dans le processus. Mais la ramification, Ezali. Ce qui est la ramification, Ezali, télévision ana ba baluka ba portenga plainte bokolanda suite ndenge kozala et tozali toujours balongi oya satan ezali ka ya satan ya nzambe ezali ka ya nzambe ngara ebisa kabino ke ma vie banda na banda ti na koma lelo ezali ya nzambe ah ezali ya nzambe sikoyo ba Congolais ou ba vayi na Corée, bazo bisa bandeko na bango te. Bazo mona ba commentaire, population coréenne. Bazo manifeste, nga moko na mimoni ke, oh, franchement, je suis bien aimé plus que na mboka na nga na Congo. Je suis bien aimé plus que na mboka na nga na Congo. Parce que na tango zo mona mutu, okutana na yete, un vieux papa qui a quitté Poussan. Poussan est allé province, le roi Lubumbashi na Biso. Accueilli na capitale, na Séoul, na télévision pour défendre cette famille. Papa n'a tout ni question moko na télévision. Alors, bi, na outi Poussan na ye awa. Na ye bi, professeur yombite physiquement na ye bi yete. Na ye bi yete. Natika la kozwa chance te ya okuta na bisika akenda kakoloba ba conference na kutana na yete. Mais a partir ya koloba na ya television, vraiment na koma mutu moko, na koma ko lingaye ko leka kutu mwana na ngai. Papa o atuni question moko na television koreyen. Atuni boy. Batu oyo television oyo avaba bimise information ya mwana oyo. Est-ce que ba yebi ndenge ni to ba koreye to yebi professeur Yombi? Et loko ni ne salamaki pour que ba koreye ba yeba professeur Yombi. Koreye ayiba mbongo ya professeur Yombi akima. À cette époque-là, $30,000 américains. Koreye azwa mbongo akima. To luka kaye to mona kate to tika. 6 mois après, mwana na biso, kaka oyo, amoniye. Mwana biso na bis, amoniye na se azo tambola. Mwana biso atelim si chofe, telima tala mutu, ayiba biso mbongo yewa na se na kende kolanda ye. Alandi ye, mwana biso abengi. Polisi ye bazwi mutu wana. Voilà esika bakoreye ba yeba ki biso. Voilà ici quand na yebisa kibino ke mukolo Samsung oyo mukile mobimba kutana na ngai. Alanda histoire wana ndenge koreye azwi mbongo akimi balakisi yango na television ke tala koreye akimi na mbongo yiden africain africain za pauvre. Ba africain bazalaka pauvre koreye ayiba mbongo africain kima. Koreye nyo sezala ki na shock. Ba koreye nyo so bande ko luka bazongi sa mbongo wana ti Samsung mukolo Samsung wa uti ko kufa mwa passé. Mukolo Samsung a benga ngai. Na kenda a yebisa ngai, Monsieur Yombi. Na er wana nazali ki professeur te. Na er wana nazali administrateur na hôpital. Ezali administrateur na hôpital, ngai administrateur na hôpital. Tout le monde a moni yango, tout le monde a yoka ki yango, tout le monde a yeba ki yango, sauf Congolais. Na kei na kutana na Samsung. Samsung a yebisi nga histoire na yo. Ti ndenge ndeko oya Korea libi mbongo na yo akimi. Ezali histoire na ngai na Japon. Na tango to landi yango ngai na mwasi na ngai, to leli. Même histoire na Japon, japonais akima na mbongo ya Samsung. Ero na Samsung azalaki Samsung te. Alobi yokutu malamo bokangi mutu wana biso totika kokanga mutu wana te. Na ero na pe mutu akote la biso japonais moko akote la biso azalaki te. Tito zonga na kore totika kozombongo wana te. E Samsung ayebisi nga ya lobi na zozongisela yo mbongo wana. Nga yobi no, mbongo wana basi bazongise. Daye mbongo wana, television nationale, loko la RTNC na bango, e tsaki likambona na television. Bache numéro ya compte na écran ya télévision ndenge bozo landangai bache numéro ya compte pour que ba koreye bazongisa mbongo ya monsieur oyo mbongo eleka $30,000 eleka ministère ya justice ba benga télévision ba kata parce que na tango mutu azoko tcha mbongo soki a tche $10 okomona na télévision mutu moko a tche $10 et mati e komi boye mutu moko a tche boye e komi boye Ministère de la Justice ba benga télévision ba yisi bango bokata parce que mbongo ekoki eleki. Télévision ba boya to kokata te. Na benga ministère de la Justice ba yisi nga bon so ekomi na monta moko boye. Yebisa bank bakata. Na kena yebisi bank ba boyi ba kokata te. Mutu oya yokisi biso Sony. Samsung alobi même bazongisela yo ngai na kopesa yo. Pesa numéro à compte. Na pesa mutu moko aboya kambongo azate za mbongo koyiba te na pesi alobi après 30 minutes vérifier après 30 minutes na keina vérifier na kamwe oh na bengi secrétaire na yabi oh patron na yo alobi na vérifier après 30 minutes na vérifier mais na moni asali erreur atuninga erreur nini abi no mbongo atinde antuka na moni que c'est une erreur abi bo zela na tu na patron na kozongela yo 5 minutes après Samsung ye moko a bengi ngai. Alobi na ngai na sali erreur te ezali mbongo na yo na famille na yo na bana. Samsung. Na kolobate na yebi bo bandi za kotuna iza kombi ezala ki kombi na kolobate ba songi na kolobate. Mais Samsung a fait ce geste là. Tout le monde a mona makamwana na télévision sauf congolais. Ah ye ba jeep azo somba ye nda kwa somba ezali mbonga koteka baba ateka ba congolais na immigration mon frère. Pesa kasi komba congolais yombe ateka na immigration. Kombo ezate na yokaki ndeko na ngai. Ngai nazo bunde la po na bato mususu ba africain na kenda na Nigeria. Na Nigeria kuna ba kidnappe ngai babo mangai. Pona kende kwe de ba Nigerien o ba vandi na Kore, kozwa ba preve ke bazali ba refugee, na tambuli na la police, na kutani na ba service ya intelligence ya Nigeria, na kutani na ba avoka, pona ko defendre ba Nigerien, na longwa Nigeria, na kenda Côte d'Ivoire, na longwa Côte d'Ivoire, na kenda Senegal, na kenda Gambie, na kenda Ghana, na kenda Liberia. Eko matura ya Nigeria, ba Nigeria na kati hotel ba moni lokola ba moni ki passeport nanga iza passeport ya Afrika te, ba moni ke nazana mbongo ebele, ba kidnappe ngai babo mangai 3 jours. 3 jours babo mangai soki mbongo yete. Heureusement, na kati ya group batu bakanga ngai, mwana mwasa zalaki kopine na bango. Kopine na bango azole la lobby, aza Afrika lokola biso. Même si avandi na mboka kore, mais aza Afrikan, aza ndeko na biso, bobo maye po na nini. Ere bazali kobunda, mwana mwasi o abimi amoni cortège ba militaire, atelim sa cortège ba militaire ke non, ezana mutu moko a balin koboma. Ba militaire ba ya ba kanga biso, ba mema biso na kan, na kan kuna na lobby naza nigérien te voilà la situation ndenge ezali bakanga bango mwana mwasi wana le commandant o a sauva kingai na mema bana na ye nyonso na Corée po batanga mi balé lelo bazana Londres basisa moko azosala doctorat oyo basisi master na Corée moko azana Corée moko azana Japon mwana mwasi wana lelo azana mboka Canada abala na mema ye na Corée atangi na Corée asilisi na luki mwa ye na jule bourse na Canada akenda Canada abala azana bana mi balé mwana na ye moko kombo na ye yombi na sali sa ba africain mususu ko tambula ko zwa baris na tikala ko zwa un likuta te un centime te un dollar te ya ba nigérien un dollar te ya ba ivoirien un dollar te ya ba tuwana pona voyager mbongo na nga moko na tango wana na swani na mama ya bana na ngai pesa nga mbongo na futa tike na kende Afrique de l'Ouest na aide bandeko ba vandi na Corée na monike baza ba réfugié mais na Corée air wana réfugié moko Nigeria azate réfugié moko Côte d'Ivoire azate réfugié moko Libéria azate et pourtant ezaba mboka ezaba problème na kenda à trois reprises na sali sa bato na yebite nga soki na kufi bakene okundanga na Congo Congolais mususu akoyi ko mona yo ka meshe yombi akoya place ba tie Sergei na ngai akolela mais soki ba meminga na Congo Nigeria goya la Congo te pa ya kolela. Ivoiria goya te pa ya kolela. Congolais muta ya kolela. Pourquoi moi na ko iko travailler contre ba Congolais ba vandi na Corée. Na raison ni. Un, na kenda kana ba communauté ya Congoté. Na kenda na ndako ya Congolais mokoti. Banda na vandi na mboka Corée 20 plus de 20 ans. Na kenda na bandako mi balé ya ba Congolais ndako ya ndeko moko azali na kati ya Corée azali ko yoka kombo na ye divin moi si na ye kombo na ye Miriel ba bota mwana bota ma anniversaire ya mwana ba invita ngai na kende na kenda na vanda na jui contribution na nga na pesi na umelate na bima na kenda na umelate papa yombi vanda olia ngabi tete na zama kambo kosala ifuna kende na kenda ndeko wana azali na Corée ndeko wana Miriel azu mukanda pe na nzela na ngai bavandi calmement na lobite ke ndeko oyo bazo sala makambo contre ngai mais c'est un exemple que je donne il faut donner parce que ba congolais bazali ba bête ndako mi balé na kenda ndeko moko kombo na Termance Termance to yebani banda ki chasa même to kutana te ba camarade a termas na ba camarade na ngai toza ba camarade moko me ye na nga tokutana te na mboka Corée eto bandiko sola to yeba oh tozalaki na ba camarade en commun na kenda na ndako ndeko termas mwa sa bandai ko bela basali opération ndeko oya bengi ngai na hôpital ya Croix Rouge papa yombi yaka ko ede ngai awa pe discrimination ezali mais soki ba moni yo na hôpital oyo respect kozala na kenda na hôpital bat hôpital balanda ngai ndeko oyo bande ko traiter malamu te banda na leka ki na hôpital wana traitement ndeko oyo komi malamu ba komi ko zoyer malamu ba ko privilégier ba pesa ye soin liboso abimi na hôpital na kei na ndaku na bango pona tala mwasi ndenge ni siko madame na zipe ma contribution na nga na tiki ndeko oyo na famille na ye bayaka na ndako na nga na congé pendant une semaine chez moi voilà des deux personnes oyo ngai na kenda na ndako na bango na kenda na matanga ndeko moko azalaki moniste azalaki na cancer ndeko o akufa congolais moko abenga nga te na mona na Facebook ya ba congolais ke ezala ndeko moko ya mwasi ya congolaise akufi muta benga nga te surprise générale bamona kaka monsieur yombi abimi na ye na vandi je pense na vandi ki pendant 10 minutes na sololi na mobali monsieur wana ndeko la lelo azana États-Unis na zui contribution na nga na tiki et si li muto moko te na Corée ko yebisa bino ke yombi venait chez moi ezala aide ba reko sala na ba hygiène yombi to tambula kana ye yombi asa jamais alors pourquoi na kende ko travailler contre les congolais pourquoi na betela bino li solo nde komuka banda ekosala na ambassade ya Congo kombo na ye geri so geri aza na France sikoyo nde ko wana azo sala na ambassade azali ko sala ba invitation na kombo na nganga na zo yebate azo invite bato na Congo ba ya na Corée atie kombo na ngai atie numéro téléphone na ngai immigration na aéroport ba benga ngai mutu oyo invita ki aye yaka na immigration na na aéroport ngabino na invita mutu te na invita mutu te non ya quelqu'un qui est ici yo mutu a invita ye nazala ki pep na ville moko pe mena aéroport na kenda na koma boy je vois un frère qui parle le français qui parle lingala mon frère oyebinga ndeko o azo invite ko loba français azo loba na lingala papa salisangai na kutozo so la sema non yebi sanga d'abord nani atindeli invitation oy ayeko loba na ngai muta ta atinda invitation o komo na ye gege so igeri na yebi ndeko oyo na benga ye monsieur est-ce que ngai na sala invitation ezali faux usage de faux combien de congolais ba yela ngai papa lembisa kaka parce que zalai ke immigration ba porter plainte ba kangaye ezo dépendre kaka na ngai nabi bo c'est un frère botika sala suli kambona ti ti immigration ba senga ministère d'affaires étrangères ba benga na ye na Corée ba benga na ye akoma na France un groupe de frères luba soki bozo ka bandeko excusez bo excusez ngai soki bozo yo ka tout moment je vous parle bandeko na biso ba luba ce n'est pas pour blaguer un groupe de frères luba mais na kati na bango bato mususu bazanaki na yebi bangote ba ya na na Corée po na musique chef d'orchestre na bango azali lelo na États-Unis kombo na ye Gauthier Mbobile c'est un frère très gentil très intelligent aye na Corée na cadre ya ndenge ya ba moun église ya ba moun mais ndeko oyo abeta ka musique na ye bien ezali honneur culture ya mboka na biso Congo ezo kele liboso na ye baki ndeko te na ye baki orchestre te na ye komona un groupe de congolais ba bengi ngai frère moko luba alobi papa na ye biyo te mais na yoki ke yoko iko ede biso parce que to ambassade abundani ya koki te to réseau de problèmes oy toza ba congolais tozali groupe ba musicien to ya awa chef d'orchestre o a mema biso a botola biso ba passeport alinko zong sera biso ba passeport ambassade a kota makambwana a resisa te ndeko na boya est-ce que moi ezali we ede biso ngai bon na ibi bino te me pesanga kombo ya chef d'orchestre a pesi ngai na numéro a téléphone na bengi chef d'orchestre auparavant moi rigueur na kopesa te ba ambassade ba bunda ba lemba yo kokatinga bite to za bandeko na tango to yo kani to kutana j'ai remarqué c'est un frère très intelligent très gentil il est aux États-Unis lelo bandeko ba vana États-Unis so ba yebi ba ko kokutana naye akoyebi sabino kombo na ye bienvenue Mbobile na kutai na ye to solo li lokola bana mboka un type très compréhensif na yo comprendre pourquoi azwaki ba passeport na bango ezalaki na ndenge ya mabete mais boyebi système na biso ba congolais ndenge bazalaka mutu amemi bino na orchestre bo kende bo yemba air moko peut-être boko yiko zonga congolais asalaka nini ania mukakati aki makati ye pe fois batela sikoyo abatela mukanda na ye mais soki bazali na problème ya kosala par exemple na banque kotindela bandeko na bango mbongo ndeko wana bandai ko yana ba passeport na bango apesi yo na banque azeli tinda mbongo après a récupérer passeport ezaki na ndenga mabete bien que la loi n'autorise pas que o détenir ba passeport aba to sololi malamu na pesi ba garantie ke bandeko oyo mutu aye ko mema bino mutu afuteli bino tike bino liebo beta musique pa na ye bandeko o ba koma iko kende na ba musicien ya Côte d'Ivoire o lieba beta na congolais Kongole azwa mbongo. Ako iko tinda mwa mbongo wane kei na Kongo. Bandeko oyo, basundoli ndeko oyo, mutamemi bango na Kore, afuteli bango batike, ba kei kokuta na ba Ivoirien, ba betaka na ba Ivoirien. Ba Ivoirien bazwa mbongo, ba tinda mbongo na Côte d'Ivoire. C'est ça le Kongole. Toyokani na ebisi ya bon, gana kozwa garantie pa bandeko oyo, ba bandako ya ko beta musique e pa na yo. Nazwi ba passeport na bango na zongiseli bango. Ndeko oyo ya muluba kombo na ye Kelly, c'est un petit soulard. Azali na kore. Merci à Fukami papa, merci merci pour la passeport. Parce que passeport ezate musala moya zo ezate. Passeport ezate moya zo ndako ezate. Ero pe mukanda ezate. Lelo oyo bandeko wana na tangi kombo. Qui demande yombi c'est qui? En tout cas, bandeko, mutema mabe bato baloba mutema mabe, na komi ko vivre ango liboso na bandeko ndimate. Na komi ko vivre banda Félix a komi président, na moni mutema mabe ndenge ezali. Na découvrir mutema mabe ndenge ezali. Mais nazako senga na lobaki yango je vais parler na lobana na loba siri yango na télévision lundi la télévision nationale KBS lundi na kozala na information ya pokwa na koloba makamba ba réfugié moi j'ai temporisé un peu siko vide yango yo na Corée vide ezali to mona leadership congolais na Corée azwa place nanga total. Namona, quelqu'un qui est capable, a sa place nanga totala. A sa respect na Corée, a sa respect na niveau international. Na lobite ke nazali sommité, nazali final. Non, mutupe a koyiko koma na niveau ana. Mais, mes chers frères, soki likamba malamu ezali, il faut ko loba yango likambo ezali malamu. Ko niye ndeko na yote paske ndeko o azo bete la ndeko na yo maboko te. Ko bete la président de la République maboko, kondi mabaksyon na ye, ezali inobligasyon te. Ezali inobligasyon te. Yo koyi komona aksyon na ye ezali malamu. Nga na komprehansyon na nga na komona na koyi komona aksyon o ezali mabe. J'ai le droit de critiquer. J'ai le droit de qualifier. Naza na droit ya ko qualifier. Et là, je m'adresse à vous, cher Milovor. Monsieur Oyo Bozali Komona, Azali Monsieur Oyo Bokoyi ko faire terre te na biloko ba démarche ya boy. Boko kokate. Na lo bakango, boko kokate, je suis un dragon rouge. Biloko wana mike mike bozana ngo wana ya mbunji mai wana ya ba miluvoro bozana ngo wana. Mes chers amis, nazali kolo ya biloko wana. Nazali Kolo, je suis un dragon rouge, au kokate. Alors, koniye vérité, la vérité est là. La vérité est là. Et j'ai demandé na ba Milouvor, qui peut m'inviter na télévision na yo, zala na mutema malam, invite nga na télévision na yo. Je vais venir avec ma contrat ya ba université na ngai, moko kout na la kisa kite ya Amérique. Trois contrats d'enseignement. Alors, ce qui vraiment n'a pas ba Congolais, ba Coréen peut vraiment n'a pas kokosa. Et ces Congolais qui nient que Moutou Oyo azo kosa bina za professeur, mais l'information ya ba Coréen ba zoloba yombi kiusonim. Yombi kiusonim, ça veut dire yombi professeur yombi. Oh, mais mes chers amis, atakutu kindo kiango ce qui est ali makasi. Mais elle m'a copé moi conscience, il faut zonga kabino quand même. Hein? Demandez pourquoi bozo benge professeur. Demandez. Donc, la résistance continue. Moutou moko a plié biso a zate. Mboka oyo a Congo ezali mboka na biso. Mboka oyo a Congo ezali mboka na biso. Alors, toke ne nabaje démocratique. Ozali kosala, biso soki to moni mabe, to kritike yo. Soki to moni mabe, to denonce yo. Yo pe na ero okuma na opposition, biso pe soki to sali mabe, o kritike biso. C'est la démocratie, ça marche comme ça. Mais ba stratégie oyo mutwa lobate, mutwa kosolate, mutwa kritike te, opposition te. Yo benganga yi fumbavor, j'accepte. Yo benganga mouyaka, j'accepte. Ngana benga yo milvor, ça ne passe pas. Tribaliste. et même des gens oyo balobi ke azali na doctorat na ziba kote na ba note na ye, je ne veux pas azali le ki na biso, franchement azali le ki na biso, parce que soki na lobi na cha mutema ya mabe ndeko oyo boko mona ye akozala na Congo, soki na lobi mutema mabe, soki to tie esprit ya ba congolais bandeko oyo boko mona bango mupiku, parce que je connais plein de dossiers. Mais ce que lobi ozali na doctorat, zala honnête. Zala honnête. Batu batangi si okutu ba camarade nangai. Minute na sengi. Minute na sengi. Oyebi étudiant oyo oui na yebi a sa sirisa. Est-ce que nakozo ba note na ye? Problème ezate zela. Eye. Ce n'est que normal, et les karandengwana étudiants nyonso azalaka toujours excellente. Mais na linko lobate ke doctorat na ye a mérité te, il a mérité, il a défendu na moni ba papier na ye. Mais ezali. Koni yete. Koke na logique moko te ke non, ndenge na sisi doctorat na Corée. Tikana zala contre M. Yombi, tikana salaboye, peut-être Félix Akoyoka, a okomisa ambassadeur, parce qu'il y a un vide na Corée ambassadeur azati. Oyo azala ambassadeur d'abord avanda na Corée, te ye musala na ye mbongo, ko yiba bambongo kima, avanda na Congo. Il y a un vide. Alors, tous les Congolais ont bavandi na Corée, peut-être azamwa, azui diplôme na ye atangi awa, lite zali pour que Félix akomisa moko na bango akomisa ye, ambassadeur, ou bien batchaye na ambassade. Mais il faut le grandenge moko ya malamu. Okozwa poste na yo ya ambassadeur te na nzela ya ko nier ce qui est M. Yombi. Eza ndengwana te. Prouvez na Félix ce que oza capable ya kozala ambassadeur na mboka oyo, ou bien kozala na ambassade ya mboka oyo. Il faut koyeba d'abord coréen. Il faut koyeba coréen. Sino e bandoko zala kaka, oze la kaka mbongo. So yoki ke mutu moko kuna yibi mbongo alinga kimi sango, yo ke ipo ede bango tchana malet diplomatik po kimi sambongo. Donc, toke ndeko siri sa na bandeko mingi ba tomoni, liberation ya Monsieur Eddy Kapend. C'est une bonne chose. Mais la question tozo se pose est celle-ci. Et dit qu'après d'azali libéré, il y a mon côté na batumusu si y a ba procès à 100 jours tout moni libéré. Gracié, disons. Mes chers amis, nani azali koko sa nani. Lelo bo yibi mbongo, bo sali sambla ko kanga batuana, bo tie bango na prison. Après quelques mois, 2, 3 mois, 5 mois, bo pesi bango grâce présidentielle, bo bimisi bango. Nani azali ko sakana na nani? Nani azali kosakana na nani? Ce n'est pas comme ça la République marche. République marche à kaboyete. Donc, ba Congolais, bazali, ba kino, ba lobaka, biboba moko boye. Biboba, voilà. Biboba moko boye. Moutou moko aye le loi, kosibina bon, état de droit, corruption exacte, biso le peuple d'abord, mais bozo akuna bazo yiba, soki makelele ye, asali sambla o kanga bango, soki bakangi bango, soit bakou de téléphone, ba libere bango, et komi siko ba grâce présidentielle ba libere bango. Est-ce que mboka etambula kaboyi? Mboka etambula kaboyi. Eddy Kapend azali libéré. Batebele bazolo ba sikope ezali kabila mutapesi ode. Medi, mutu moko te o alobayi ke Eddy Kapend ba libéré te. Tout le monde to bandeye ko lobayi fou libéré Eddy Kapend. Parce que le vrai assassin ya Laurent Désiré Kabila. Bazali na prison wana te. Ko libéré Eddy Kapend, c'est une bonne chose. Mais la question qu'on se pose, qui est Eddy Kapend? Qui est Eddy Kapend? Eddy Kapend azali Congolais, mais quel type de Congolais? Ezali ba Congolais oyo ba yeko tchama wana mboka na biso AFDEL. Qu'on libère Yé parce qu'il a été arrêté injustement, c'est une bonne chose. Mais cela ne lave pas Edik Apende dans le massacre au Nyon Sobasala na Afdel. Le lobo moni ba rapport ma ping toye ko remarque pourquoi l'IDPS ba commenta kama kama rapport ma ping te nzokande bango pe bazali cité na kati. L'IDPS allié ya M23. Bo kende longo. Mais bele bazali ko finga biso soki olobi kaka ndengo na moni na poste moko ya ndeko na biso Marie Ekonja, je pense, excusez ngai ndeko na ngai. Na France azali ndeko ya Pareco. A komi makambo di kapen. Mais bazali de pes balingi te biso to lobake libération e di kapen ezali malam. Mais biso Félix asali likamba malam. Toko lo basali likamba malam. Mais pour le Félix, majorité à Makambazo, c'est les amakam malam, en général. Mais ça ne signifie pas qu'il soit celle qui a malam ton dimango. Bino batoubon dimakate. Quelqu'un qui est professeur, quelqu'un qui est comme ça, vous niez existence yango aux omona, au kaipe na Google, au tali, au moni. Au moni yango, mais au yebo yondimite. Ndeko oyo na zolo bakini ki naza professeur, ou a outi kozo a doctorat. Na libanda zo kende ba groupe na ba groupe ko tambula, ko niye, ko niye. Mais na Facebook azo komelangai grand professeur ndenge nini. Dernière causerie na ye avant-hier, a sololi na batu il nie, batu na ba registre ye batindelingai. Mais hier avant na benga ye to solola, a komelinga inbox grand professeur comment allez-vous? Toyoki histoire ya mwana ezali choqué, en tout cas pona nga na monique mwana ba piégé ye. Mais libanda outi koloba ke muto na za professeur te na zui ba message wala nyoso ya ye na zongi seliye qui a écrit comme ça, c'est pas toi? Oh non, ezali problème, il y a incompréhension à communication, mais voix na ye ezali ba registrer. Alors biso to ndimaka Félix a sali eloko malamu a gracier Edik Apende. Parce que Edik Apende, bakangaye le vrai assassin bazali ayer bazali kotambula. Nous on accepte. Nous on accepte, c'est ça le jeu démocratique, c'est ça état de droit. Ce qui mutasa ili kamala mutondimi. Alors bino pe bolingi ton dimandenga lo ba Rwanda ba boma mutu moko te na Congo. Bino bolingi biso ton dimake ndenge Félix alobi ba Uganda ba bomi ata mutu moko te na Congo. Mais bozomo na Uganda Rwanda ba ye na Congo, kaka exemple wana moko. Uganda Rwanda bazui ba militaire ba ye na bango na Congo. Rwanda bazui ba militaire ba ye na bango na Congo. Ba bundi na kati ya Congo, ba Congolais ba kufi, bandaka ba Congolais baby, ba panzi bidoka ba Congolais. Wana pe vraiment tolanda Félix ke ba Uganda na ba Rwanda ba bomi te. Mais non. On ne marche pas comme ça. On ne marche pas comme ça. Biso ton dimaka. Libération Edik Apende, c'est une bonne chose. Mais, qui est Edik Apende? C'est ça la question qu'il faut se poser. Qui est Edik Apende? Le lobe ancien bourreau na biso, ancien criminel na biso, bozo lave bango na ba grâce présidentielle. Et bokomo na Edik Apende a kozala, ba okot sa yen armée. Mais mibeko elobinini mutu okenda prison Obama bazali cité na rapport mapping. Alors kuna balobi rapport mapping batonyo soba pinir bango yo ozali ko grasser bango zo bongisa ordonnance pour nommer bango. Alors c'est un criminel qui recycle ses amis criminels. Et ce criminel o azo recycle banimi na criminel. Alors, mais biso ba mususu tozali batu, persona non a grata. C'est-à-dire, ba mona yote asa atana Congo. Ba mona yote. Mais ba criminel o ba zoboma ba Congolais, ba zali batu malamu. Ba ordonnance ezobima. Ba grâce présidentielle ezobima. Ba zana problème mokote. Edik Apende maboko pembe. Mi yibi o ba utuko yiba mbongo ya 100 jours. Franchement, mes frères. Procès à 100 jours oyo. batuba yibi mbongo parce que l'argent est sorti, plus de 600 millions de dollars est sorti. Mbongo wale zomo na nate misala basali. Batu wana ifuba kena prison. Alors pourquoi bozo sala semblant, lelo bosali semblant botie bango na prison, lobi bosali ba ordonnance, ba bima, ba grâce présidentielle, ba bima. Au juste bozo sakala na nani. Au juste bozo sakala na nani. Ezali vraiment triste. Hein? Ngai naebi sakabino toujours que bandeko na biso ba congolais boza la prêt. Likambo nazo répéter yango. Ndenge Daniel Safu ayebi sakibino ça va péter. En tout cas ba idiome sous bagwana. Na bino pe ba tuboke na ko voter. Je me demande congolais bo vota kapenza nini. Est-ce que vraiment Daniel Safu azali mutu boko iko vote? Vraiment. Yo papa, yo mama, ozali na conscience. O telemi na ndako na yo peut-être ezalaki er ya mbula. Je sais que er bobane ko vote na ba mbula ezalaki. O telemi vraiment okeyi. Ozui bilete de vote. O tambusi mutu na yo bato nyonso ba pesi ba candidature na bango mutu penza ko vote te Daniel Safu. Otamboli, otamboli, omoni mutu msusa ko vote te Molière. Otamboli, otamboli, mutu msusa ko vote te Eliezer. Congo na biso. Congo vraiment. Pourquoi to komiti na niveau boy? Bon, er moko pe na zo condamné bangote parce que vous savez na mboka na biso le taux ya la capacité de comprendre ezali na c'est ça c'est vrai donc projet musu toza nango ezali ya komeka ko travailler pour que to meka ko cultiver ko avancer niveau ya compréhension niveau destruction ya bato na biso bandeko oyo bazwa pouvoir liboso ba broutir peuple na biso na niveau moka ko sakana te et mutu lokola zo ke nabilité de vote azo ko makombo ya Safu il est content que na voté député na ngai. Alors, union sucrée ou union salée, toyoki, makambwe bele kuna, balinko panzana, bamsusu baza contente, ndenge makambwe zo kende, bitumbe bandi entre bango, tozali kota la kaka, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il semble que le président est un fils d'un roi, ezali royaume, okoyi ko contredire te, union sacrée ezali le loko malamo, ndeko Félix bandaza na présidence na ye, tout va très bien, zéro faute, zéro erreur, leader toujours, béton toujours. Alors, nous, notre problème, ezali to observer toujours, total akaka, makambonini ezali koleka. Pona angai, merci, je pense na kenekosi sawana, merci mingi pona ba soutien abino. Na ebande na meki mpe komeka ba correctif na dossier ya mwana na biso. Moi na biso azali na réputation ya mabete. E bandeko bayebi coréen, bazomona siko population coréenne. Bango nyonso na koloba 90% de coréens. Bazali sima ya mwana na biso, ya koloba non, ce n'est pas vrai. Même si bana ba adolescent bazali mobulu babundi, oui, c'est vrai babundaki, ezali problème, ça se fait hein. Biso eto zaki banamike même singa na lekaki na nzela na te mais to monaka na ba quartier ndeko na biso Kerwin Maizo l'a expliqué. Merci beaucoup à Kerwin, merci vraiment mon frère, merci beaucoup pour na malgré ba étude na yo, malgré ba temps na yo, au dédier vraiment quelques minutes pour na soutien. Merci mon frère, il s'agit bien de notre fils ezali biso ba parenté, nous devons soutenir nos enfants. Ezali moi na biso azali na réputation mabete. Alors ngai soki na kosi parce que azali moi na ngai, moi na yebisa kabino na zala complaisante. Je vous ai dit l'histoire de notre fils ngamoko mutu na bengela yembila. Alors c'est pour vous dire que naza complaisante. Ba histoire obolo bakao no azaka mutu ya Fayulu po mu Fayulu za mutu bandu non, ngala kote la ka Fayulu te. Je m'attaque à Mozito, je m'attaque à Gizenga, je m'attaque à tout le monde. Ezalaza mutabandu, ezalaza na famille nangai. Na yebi sabino un jour que moi si nangai, mama ya bana nangai. Arata musala. Arata musala asali demande parce que nga nazala ki na commission wana akotisi ba element nyon sauté. Ayebi ke nga nazali na commission wana na kozwaye. Amona résultat boye kombo na ye bimité. Asiliki na ya nanda ko tout le monde akangye longi. J'ai expliqué même si nazali na commission na mais il faut okotsa ba document. Oh yo yebi document na place zate. Nga na okene kozula yote, je ne suis pas candidat. Yo mutozali candidat, il faut introduire le dossier. Il faut introduire le dossier. Alors, merci beaucoup na Kevin Maizo. Bandeko oyo basali na bandeko ba camarade ba coréen, bakoyoko senga aide na ba coréen, bamona ndenge nini population coréenne azali ko supporter mwana na biso. Alors, to sali effort ya ko éduquer ba na biso, mais la jeunesse R moko koyiko ozala na kati ya groupe moko, même si osali eloko te mais ozala na kati ya groupe, ozala pe condamné. Bana balingi, oyo balingi bo na njili, oyo balingi na lemba. Bo, mwana mwasi oyo balingi, ex na ye, aboyi. Ndenge ni nako kitenga ye po akende ko linga bana njili. Bayoka ni bana njili ale, na bana lemba to kutana na matete to bunda. Bakutana na matete babundi. Alors, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Et merci beaucoup, je disais, Nandeko Nabiso Kerwin Maizo. Et Bandeko Nyonso, Nandeko Nabiso Anne-Marie Sylvie. Vraiment, merci beaucoup. Na Bandeko Moussousou, ma message Nabino inbox. Ezali réconfort. Mais boye bake Ndeko Nabino, Azali un grand guerrier. Ah, Azali un grand guerrier. Et bozomo nango avec ma milouvor. 2 ans jour pour jour. Tozali na bango. Et na mboka oyo ya Corée, soki toyebani, ezalaki lokola li panangu bate. Seul pour la protection à ba immigré, protection à ba noir, protection à ba réfugié. Au moment où bandeko nyonso bazali ko tia makele, ah Félix mutu na biso, ya zo finga mutu na biso pour ngai er na zo tele makokende ko bunda pour na étranger na tiko mona milouvor moko te na Corée. Bazo ronfle ba pongi ngai na zo bunda na pona vi na bango. Ngai na zo bunda na pona respect na bango. Ngai na zo bunda na pona mikanda na bango. La loi même ya ba réfugié oyo lelo bazo ah biso bazo ba réfugié ngai na zo mikanda na ndenge na ngai. Ozo mikanda na ndenge na ebi mubeko ba réfugié wana na bundi pona ngo. Il faut vous demander monsieur Yomi na parlement chaque fois. Abane ke sala nini. Les images sont là, les vidéos na Corée sont là. La loi qui vous protège, bozoye bate nani abunda ki pona bino. Mais aujourd'hui, parce que le monsieur refuse, yako bete la Félix Maboko, ce qui vraiment bozali ba idioté, faut faire la nuance. Ndenge ni monsieur oyo se sacrifié, yako bunda pona élection Etienne Tshisekedi. Ba marche, koloba, ba conférence pona Etienne Tshisekedi. Mais le lieu est comme pour la Félix Aboy. Moi, je dis, Etienne Tshisekedi à l'époque, ce qui a comme président, Etienne Tshisekedi remplissait les conditions et a comme président. Même si doctorat n'a pas eu qui n'a doute, mais Etienne Tshisekedi, c'est quelqu'un qui a quand même étudié. Na Erwana licence pour Etienne Tshisekedi, Azala qui n'a pas eu. Tu vois qu'on y est en côté. Etienne Tshisekedi, Azala qui n'a licence. Il y a Erwana. Azalaki na licence. Alors, mutu lokola Etienne Tshisekedi, azalaki mutu moko, akoyi kokoma président de la République, ngai na lingaki kotele mate pona na boya yango. Jamais. Preuve ezali que, na tant Kabila volé élection na ye, moi je me suis mobilisé, na bato mosusu na bandeko mosusu, tokende kosala ba marche liboso ya ambassade pona élection Etienne Tshisekedi. Parce que pour moi, Etienne Tshisekedi méritait d'être président. Une expérience. Il a été premier ministre à maintes reprises. Il a été ministre à maintes reprises. Il a été recteur d'université et président d'un parti politique. Etienne Tshisekedi pouvait comprendre les enjeux politiques et économiques nyonso pour na kozala président de la République, je l'ai soutenu. Même si je savais que dans Etienne Tshisekedi, il y avait des choses où il y a là qui malamouté. Mais comme président de la République, les conditions de devenir président de la République, Etienne Tshisekedi wa Mulumba remplissait ces conditions. Ce qui va peser le pouvoir naïe, na ina linga comme poser na ngote. Na bandai comme poser na ngote, na supporta ki yango na ba marche, ba vidéo ezali, ba photo ezali. Mais il faut vous demander pourquoi je m'oppose à Félix. Je m'oppose à Félix parce que Félix ne remplit pas, n'a aucune condition de devenir président à part d'être congolais. Les restes conditions mon côté Félix a rempli. Voilà pourquoi je m'oppose à Félix. Et en plus de ça, trahison ya Félix, koniye batuba bomi biso, koniye ba massacre na mboka na biso, kokene ko sala badil na batuba zo bomi biso. Voilà pourquoi je m'oppose à Félix. Alors, m'opposer à Félix c'est un droit légitime reconnu par la loi nationale et la loi internationale. Les droits politiques et civiques, la Convention universelle des droits de l'homme, me donne l'autorisation de m'opposer politiquement à tout le monde. Ça me donne ces droits-là. Lisez, les textes sont là. Au niveau national, ça me donne les droits. Et au niveau national même, ça va plus que ça. Au niveau national, l'article 64 me permet, par exemple, ça me permet, c'est pour mettre Félix hors état de nuire. Loi, ils ont permettre nga yango. Loi, ils ont permettre nga na critiquer ye. Loi, ils ont permettre nga na dénoncer. Loi, ils ont permettre nga na sala n'importe quoi pour que na protéger mboka na ngai. Voilà au niveau national. Au niveau international, je vous ai dit, convention, il y a droit politique na civique, social civique. Il y a ba citoyen na monde, bazali na droit, ya kozala impliqué na politique. Ya mboka na bango. Okoki ko empêcher yete. Alors, boye bisanga na droit nini, ngai na koki ko qualifier Félix idioté. Dites-moi parce que vous avez étudié plus que moi. Boye bi ko le kangai. Vous m'attaquez, vous attaquez ko kende même ko corrompre des citoyens coréens pour que ba s'attaquer na famille na ngai. Une histoire qui s'est passée il y a longtemps. Vous ressuscitez, peut-être le bocanisme que vous salir ngai. Voilà maintenant, moi dans l'abisso, deuxième. Réseau ma canal naïe à Facebook. Azala qui soki na 1 million. Ya batu, au balanda kaye. Le lot est comme 6 millions, bazo landaye. Parce que Coréen yo sali koye, qu'est-ce qui se passe? Bazo senga na deuxième fils nabisso, aloba. Toko zala naïe lundi na télévision. Vous croyez que beaucoup noyer famille Yombi, mais beaucoup commissaire Bangoli sous na top. Ah, si ko procès yangoyo. Mukolo bokomo na Yombi aso tambre na Ferrari, botu na te Yombi Ferrari azuri wa pateki bat na immigration. Bino ba milovoro batu boko edenga Yombi aso ba Ferrari. Parce que quand vous avez influencé la coréenne transgender avant na France, a aidé Bino a luka dossier Yombi na Corée pour to salir ye. Ake kozwa dossier ya mwana biso. Wono kanise boko noye Yombi. Siko ezo ke na procès. La télévision va payer. Et ce qui bomoni Yombi na Ferrari boka mwate. Ferrari wana bino batu boye denga ina na somba yango. Na tambana na Ferrari te na kotambula nango. Bozela, wait and see. Boko mwona nini koleka. Alors, po na mboka na biso to salani. To vanda kimia. Parce que Félix azan na présidence. Parce que ndeko na bino tribal azan na présidence. Maintenant, mais non. Bon, comme si ngayi makasi, si ko na komi oyo bandeko na ngayi ya ne Congo balobaka na komi na nganji moko na ndenga kosakana te. Na komi na nganji moko na kosakana. Parce que soki bolobi tokota na bana, tokota na ba famille, tokokota. E boko mona ba image ya mabe. Boko mona ba image ya mabe. Alors, bon lukate to koma na niveau wana. Parce que to qualifié Félix Aza idiot, vous voyez, ba milouvor na ba acheter des milouvor, qui viennent crier professeur à l'obarate, professeur à l'obarate, mais professeur à l'obarate. Et si Zalaba Longolinga n'a pas professeur dans l'université XT, l'université ZT, combo on est toujours professeur, parce que c'est comme un médecin. Et Zalaza dans l'hôpital Mokote à Salaka, il s'appelle toujours docteur. Bon, mon indé qu'on a bissé Robert, dans le Canada. Yanzambe za yanzambe. Ndeko wana bandeko kuna na Canada bakanisa ike, soki toko selye makambo ye mutazo panza coronavirus, toko noye ye, toko noye ba étranger, toko noye ba réfugié. Mais nzamba ye ko bimisa bango na poisa ke, complot na bango contre ndeko ne zali mabe. Mutu nyoso, na ba docteur mususu na mboka Canada, o ba yeba ki ndeko Roberti. Tout le monde ba docteur nyoso ba yebi. Tout le monde ba yebi ye. Tout le monde a signé une pétition, a signé une lettre, y a qu'on supporte Ndeko Nabiso Oyo. Y a Nzambe, ça, Nzambe. Vous avez cru que cette action-là est qu'on noyait famille Yombi, est qu'on noyait moi na Yombi, Azala qui n'a battu 1 million na YouTube na ye, Lelo Oyo, bande histoire de bandi a commis na 6 millions. C'est quoi, vous voyez, Bissangaï? Vous voyez, vous voyez, vous allez bazoba. Et ce que je dis à la Ferrari, je na teki à la immigration, te Ferrari wa na kosomba ngona procès oyo. Na kosomba ngona procès oyo. Bonjour à kape pouvoir, bonjour à kape mayele. Bonjour à kape pouvoir, bonjour à kape mayele, ya koye bake, ezali na batu mususu, baza bololo, baliaka bangote. Ezana batu baza bololo, mes chers amis, gaye. Ezana batu baza bololo. Okokwa kwa olia ete. Bumani lokwa ndeko na biso Robert na Canada. Batu ya bololo bangwanda. Okolia ete. Oza la mundele. Okolia ete. E mbogo yoka na television nationale koreyen lendi. Sa va pete. Ndenge ndeko na bino depite la UF Daniel Safu alobaka. Sa va pete. Ah. Parce que bah yebinga et bah commentaire bah j'ai vu groupe mon gars étudiant nanga kara balobi télévision oyo bah yebi professeur yombite bah yebi yema la mouté peut-être bah tout na biso bah tout attendi ça bah tout na biso c'est un guerrier oh mais mes chers amis ngaye namboka Namboka oyo mutu moko atomboli ngati. Oh no, biso to tomboli ye yango ayebana ki mutu moko te nga moko. Liti ya ba refugie oyo er na koti na ba ONG. Na ye ko remarke ke ba ONG en réalité makambo mususu ezo salema, excusez-moi, il y a un problème de oh là là, il y a un problème na Facebook, il y a un problème, peut-être ça va se déconnecter, je ne sais pas. Moi, j'ai oublié de charger l'appareil pour la connexion à Facebook. Ça va se déconnecter, je regrette. Alors, na monnaie que na ONG, bazo sala pesa musala malamu te pona ba réfugiés. Et comment que on a ba réfugiés mususu ba réunion? Oh non, ah réfugiés elongine za bien te mwindu eleki makasi to ko aider yete. Ah, ezande boye na bimi Nabandi ko sala nga moko, singleton, moi-même seul. J'ai évolué seul. Team organisation internationale, ba yeko mon angai, ba yeko zwanga. Mais au niveau national, nabanda ki naba ONG, na moni ke moussala bazo sala ezali malamu, mais er moko, bazo ba discrimination ezali. Bazo pona, batu ya kwede. Ezala ozala, vrai réfugié, be faux réfugié, bango bazo pona. Nabimi. J'ai évolué seul. Contre Mboka Mobimba, ti ba ye ko accepté ngai. A fosori Congo isika penza na yebi makamu nyonso bien bien. Yo miluvor oya okanga yombi munoko. Papa, mama, omikosi. Et bandit, nous avons commencé, la guerre sera longue. Nous allons voir qu'est-ce qui va se passer. Et na zosa bandeko na biso ba congolais, bozo mona nini ezo leka kalate. Bozo mona Merci beaucoup pour Rolanda Bisso. Merci pour na soutien Nabino. Toujours singa ba prière pour Nabino. Attaque l'équipe belé. soki bango bazali soki baye na ba attaque ya ya moyi soki bakoki te baoleka na attaque abutu alors baye bake tozali ba dragon rouge komekate Mexico Mexico on va voir alors merci mes chers amis on en a biso et tokutani prochainement au revoir pona lelo et weekend malamo pona binonyoso bye bye.